6. L'attaque. La porte tournait à peine sur ses gonds qu'un homme calé en quelque sorte sur elle pour l'empêcher de se refermer apparaissait et franchissait le seuil instantanément. Cet homme, jeune, robuste et d'une taille colossale, portait une longue robe noire à capuchon et à larges manches. Une corde lui servait de ceinture. Un immense chapelet pendait à son côté et sa main s'appuyait sur un gros et noueux bâton de cornoulier. Un vieillard vêtu de la même manière suivait humblement ce beau moine. Après les salutations d'usage, on se réunit à table avec les nouveaux venus et la joie ainsi que la confiance reparurent. Cependant, les maîtres du cottage n'avaient pas oublié le coup de sifflet de l'étage supérieur et celui de la forêt, mais ils dissimulaient leurs appréhensions pour ne pas effrayer leurs hôtes. « Bon et brave forestier, reçois mes congratulations. La table est admirablement bien servie. » s'écria le grand moine en dévorant une tranche de venaison. « Si je n'ai pas attendu ton invitation pour venir souper avec toi, c'est que mon appétit, aussi aigu que la lame d'un poignard, s'y opposait. » Vraiment, les paroles et les manières de ce personnage sans gêne étaient plutôt celles d'un soudard que d'un homme d'église. Mais en ce temps-là, les moines avaient les coudées franches. Ils étaient nombreux, et la piété sincère ainsi que les vertus du plus grand nombre attiraient les respects du peuple sur l'espèce entière. Bon forestier, que la bénédiction de la très sainte Vierge répande sur ta maison le bonheur et la paix, dit le vieux moine en rompant un premier morceau de pain, tandis que son confrère dévorait à belles dents et absorbait Verdale sur Verdale. Vous me pardonnerez, mes bons pères, reprit Gilbert, si j'ai tant tardé à vous ouvrir ma porte, mais la prudence, c'est entendu, la prudence est de saison, dit le jeune moine, reprenant haleine entre deux coups de dents. Une bande de farouches coquins rôde dans les environs, et voici une heure à peine, nous avons été assaillis par deux de ces misérables qui, en dépit de nos protestations, mettaient de l'entêtement à croire que nous possédions dans nos besaces quelques échantillons de ce vil métal que l'on nomme argent. Par Saint-Benoît, ils s'adressaient à bonne enseigne, et j'allais exécuter sur leur dos un cantique à coups de bâton, quand un long sifflement auquel ils ont répondu leur a donné le signal de la retraite. Les convives se regardèrent avec anxiété, le moine seul paraissait ne s'inquiéter de rien et continuait philosophiquement ses exercices gastronomiques. « Que la providence est grande » reprit-il après un instant de silence. « Sans les aboiements d'un de vos chiens qu'alarmèrent ses coups de sifflet, nous ne pouvions découvrir votre demeure, et vu la pluie qui commençait à tomber, nous n'avions pour tout rafraîchissement que de l'eau pure, selon les règles de notre ordre. » Cela dit, le moine remplit et vida son verre. « Brave chien !» ajouta le religieux en se penchant pour caresser de la main le vieux Lance qui se trouvait par hasard couché à ses pieds. « Noble animal !» Mais Lance, refusant de répondre aux caresses du moine, se dressa sur ses pattes, allongea le col, effleura l'espace et gronda sourdement. « Là, là, qui vous inquiète, mon bon Lance ?» demanda Gilbert en flattant l'animal. Le chien, comme pour répondre, s'élança d'un bond vers la porte. Et là, sans aboyer, il flaira de nouveau, écouta, tourna la tête vers son maître et sembla demander avec des yeux enflammés de colère que la porte lui fût ouverte. « Robin, donne-moi mon bâton et prends le tien, » dit Gilbert à voix basse. « Et moi, » dit de même le jeune moine, « j'ai un bras de fer et une poignée d'acier et un bâton de cornulier au bout. Tout cela est à votre service en cas d'attaque. »« Merci, » répondit le garde forestier. « Je croyais que la règle de ton ordre te défendait d'employer tes forces à un tel usage. Mais avant tout, la règle de mon ordre me commande de prêter secours et assistance à mes semblables. « Patience, mes enfants, » dit le vieux moine, « n'attaquez pas les premiers. On suivra votre conseil, mon père. Nous allons d'abord. » Mais Gilbert fut soudain interrompu dans l'explication de son plan de défense par un cri de terreur poussé par Marguerite. La pauvre femme venait d'entrevoir au haut de l'escalier le blessé qu'on croyait mourant dans son lit, et muette d'épouvante, elle tendait les bras vers cette sinistre apparition. Les regards des convives se dirigèrent aussitôt du même côté, mais déjà l'escalier était vide. « Allons, chère Maggie, » dit Gilbert, avant de continuer son plan de défense, « ne tremble pas ainsi. Le pauvre homme de là-haut n'a pas quitté son lit, il est trop faible, et je le crois plus à plaindre qu'à redouter, car si on l'attaquait, il ne pourrait se défendre. Tu es la dupe d'une illusion, Maggie. » En parlant ainsi, le brave forestier dissimulait ses craintes, car lui seul, avec Robin, connaissait le véritable caractère du blessé. Sans nul doute, Ce bandit était de connivence avec ceux du dehors, mais il fallait, tout en veillant sur lui, ne pas montrer qu'on redoutait sa présence dans la maison. Sinon les femmes auraient perdu la tête. Il jeta donc un coup d'œil significatif à Robin, et celui-ci, sans que personne s'en aperçût et sans faire plus de bruit qu'un chat dans ses rondes nocturnes, grimpa sur la dernière marche de l'escalier. La porte de la chambre était entrebâillée. Les reflets des lumières de la salle pénétraient dans l'appartement, et du premier coup d'œil, Robin put voir le blessé, qui, au lieu de garder le lit, se tenait penché à moitié corps sur l'appui de la fenêtre ouverte et causait à voix basse avec un personnage du dehors. Notre héros, rampant sur le plancher, se glissa jusqu'au pied du bandit et prêta l'oreille à ce dialogue. « La jeune dame et le cavalier sont ici, » disait le blessé. « Je viens de les voir. »« Est-ce bien possible ?» s'écria l'interlocuteur. « Oui, j'allais régler leur compte ce matin quand le diable a pris leur défense. Une flèche partie je ne sais où a mutilé ma main et ils m'ont échappé. Enfer et damnation !» Le hasard a voulu qu'égarés de leur route, ils se réfugiassent pour la nuit chez le même brave homme qui m'a ramassé baigné dans mon sang. Tant mieux, ils ne nous échapperont plus maintenant. Combien êtes-vous, mes garçons? 7. Ils ne sont que 4. Mais le plus difficile est d'entrer, car la porte me paraît solidement verrouillée et j'entends gronder une meute de chiens. Ne nous occupons pas de la porte. Mieux vaut qu'elle reste fermée pendant la bagarre. Sans quoi la belle et son frère pourraient nous échapper encore. « Que comptez-vous faire alors ? Eh, parbleu, vous aider à entrer par la fenêtre ? J'ai toujours une main à mon service, la droite, et je vais attacher à cette barre d'appui mes draps de lit et mes couvertures. Allons, préparez-vous à monter à l'échelle. »« Vraiment ? » s'écria tout à coup Robin, et saisissant le bandit par les jambes, il essaya de le culbuter au dehors. L'indignation, la colère, le désir ardent de conjurer les dangers qui menaçaient la vie de ses parents et la liberté de la belle Marianne, centuplèrent les forces de cet enfant. Le bandit se raidit en vain contre une impulsion si brusquement donnée. Il dut y obéir, et perdant l'équilibre, disparut dans l'espace pour tomber non pas sur la terre nue, mais dans le réservoir plein d'eau qui se trouvait sous la fenêtre. Les hommes du dehors, surpris par la chute inopinée de leur compère, s'enfuirent dans la forêt, et Robin descendit raconter l'aventure. On en rit d'abord, mais la réflexion vint après le rire. Gilbert affirma que les malfaiteurs, revenus de leur stupéfaction, attaqueraient de nouveau la maison. On se prépara donc de nouveau à les repousser, et le vieux moine, le père Eldred, proposa d'invoquer par une prière générale la protection du Très-Haut. Le jeune moine, dont l'appétit s'était enfin émoussé, n'y mit pas d'obstacle. Au contraire, il entonna d'une voix de stentor le psaume Exaudinos. Mais Gilbert lui imposa silence, et les convives s'étant agenouillés, le père Eldred prononça à voix basse une fervente oraison. La prière durait encore quand des gémissements entremêlés de coups de sifflet saccadés s'élevèrent du côté du réservoir. La victime de Robin appelait les fuyards à son secours. Les fuyards, honteux d'avoir lâché pied, se rapprochèrent sans bruit, aidèrent le blessé à sortir du bain, le déposèrent presque mourant sous le hangar et délibérèrent sur un nouveau plan d'attaque. « Mort ou vif, il faut nous emparer d'Alan Clare et de sa sœur, » disait le chef de cette escouade de Soudard. « C'est l'ordre du baron Fitzalwine, et j'aimerais mieux braver le diable ou me laisser mordre par un loup enragé plutôt que de retourner près du baron les mains vides. » Sans la maladresse de cet imbécile taillefer, nous serions déjà rentrés au château. » Nos lecteurs devineront que le sacripant si bien traité par Robin se nommait Taillefer. Quant au baron Fitzalwine, ils feront prochainement connaissance avec lui. Qu'il leur suffise maintenant de savoir que ce vindicatif personnage a juré la mort d'Alan, premièrement parce que Alan aime et est aimé de Lady Christabel Fitzalwine, sa fille, et que Lady Christabel est destinée à un riche seigneur de Londres, secondement parce que ce même Alan est possesseur de certains secrets politiques dont la révélation entraînerait la ruine et la mort du baron. Or, en ces temps de féodalité, le baron Fitzalwine, seigneur de Nottingham, avait droit de haute et basse justice sur tout le comté, et il était facile d'employer sa maréchaussée à l'exécution de ses vengeances personnelles. Et quelle maréchaussée, grand Dieu ! Taillefer en faisait le plus bel ornement. Ainsi s'achèvent les extraits du Prince des voleurs par Alexandre Dumas.